une canette de soda. T-shirt et caleçon remplacent mon pyjama. J'ai pris une vieille besace à la place de mon cartable. Passant de classe en classe, j'ai appris à être aimable. Et accroché au mur par des punaises rouillées, hiberne sans murmure des dessins délaissés. Les crayons, les jouets, déguisements et peluches ont fini par quitter mes habitudes. Prisonnier du temps et de ses méandres, ma vie s'écoule doucement, ne se fait pas attendre. Tant de souvenirs étalés sur ma conscience, tant de plaisir oublié avant qu'on y pense. Doucement j'ai grandi, pris des passages obligés, maternelle, le collège, du collège au lycée, les couloirs lézardés, les crépits titubants, aux grandes cours cloisonnées, des précieux monuments, les sourires des filles qui éveillent tous les sens, l'attente à la cantine et à la permanence, les cours magistraux, professeurs fatigués, d'avoir sur le dos des élèves agités. Prisonnier du temps et de ses méandres, ma vie s'écoule doucement, ne se fait pas attendre. Tant de souvenirs étalés sur ma conscience, tant de plaisirs oubliés avant qu'on y pense. Prisonnier du temps et de ses méandres, ma vie s'écoule doucement, ne se fait pas attendre. Tant de souvenirs étalés sur ma conscience, tant de plaisir oublié avant qu'on y pense. Ma vie suit son fil tranquille au cours d'eau,